nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un vieux, au corps toujours nerveux. Un vieux qui lit des romans d'amour. Comment vont ses dents? Ses dents, il les a sur lui. Mais quel rapport entre les dents et la lecture? Réponse, entre autres, en VO et en VF, grâce à l'émission Drôle de drame, réalisée par Myron Merson et diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 janvier 2010. Lecture de nouvelles de Luis Sepúlveda, enregistrée en public le 17 octobre 2009 au Théâtre de l'Odéon par Luis Sepúlveda et Bernard Giraudeau. Nous allons commencer par un extrait du vieux qui lisait des romans d'amour, le début. El cielo era una inflada panza de burro colgando amenazante a escasos palmos de las cabezas. El viento tibio y pegajoso barría algunas hojas sueltas y sacudía con violencia los bananos raquíticos que adornaban el frontis de la alcaldía. Los pocos habitantes de El Idilio, más un puñado de aventureros llegados de la cercanía, se congregaban en el muelle, esperando turno para sentarse en el sillón portátil del doctor Rubicundo Loachamín, el dentista, que mitigaba los dolores de sus pacientes mediante una curiosa suerte de anestesia oral. «¿Te duele?», preguntaba. Los pacientes, aferrándose a los costados del sillón, respondían abriendo desmesuradamente los ojos y sudando a mares. Algunos pretendían retirar de sus bocas las manos insolentes del dentista y responderle con la justa puteada, pero sus intenciones chocaban con los brazos fuertes y con la voz autoritaria del odontólogo. «¡Quieto, carajo! ¡Quita las manos! Ya sé que duele. ¿Y de quién es la culpa? A ver, ¿mía? ¡Del gobierno! ¡Métetelo bien en la mollera! El gobierno tiene la culpa de que tengas los dientes podridos. El gobierno es el culpable de que te duela». Los afligidos asentían entonces cerrando los ojos o con leves movimientos de cabeza. Muy cerca, la breve tripulación del Sucre cargaba racimos de banano verde y costales de café en grano. A un costado del muelle se amontonaban las cajas de cerveza, de aguardiente frontera, de sal y las bombonas de gas que temprano habían desembarcado. El Sucre zarparía en cuanto el dentista terminase de arreglar quijadas, navegaría remontando las aguas del río Nangaritza para desembocar más tarde en el Zamora, y luego de 4 días de lenta navegación arribaría al puerto fluvial de El Dorado. El barco, antigua caja flotante movida por la decisión de su patrón mecánico, por el esfuerzo de 2 hombres fornidos que componían la tripulación y por la voluntad tísica de un viejo motor diésel, no regresaría hasta pasada la estación de las lluvias que se anunciaba en el cielo encapotado. Las gentes esperaban la llegada del barco sin otras esperanzas que ver renovadas sus provisiones de sal, gas, cerveza y aguardiente, pero al dentista lo recibían con alivio, sobre todo los sobrevivientes de la malaria, cansados de escupir restos de dentadura y deseosos de tener la boca limpia de astillas, para probarse una de las prótesis ordenadas sobre un tapete morado de indiscutible aire cardenalicio. Despotricando contra el gobierno, el dentista les limpiaba las encías de los últimos restos de dientes y enseguida les ordenaba hacer un buche con aguardiente. «Bueno, veamos, ¿cómo te va esta? Me aprieta, no puedo cerrar la boca. Joder, qué tipos tan delicados. A ver, pruébate otra. Me viene suelta, se me va a caer si estornudo. ¿Y para qué te refrías, pendejo? Abre la boca». Y le obedecían. Luego de probarse diferentes dentaduras, se encontraban la más cómoda y discutían el precio mientras el dentista desinfectaba las restantes, sumergiéndolas en una marmita con cloro hervido. Le ciel était une panse d'âne gonflée qui pendait très bas, menaçante au-dessus des têtes. Le vent tiède des poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. Les quelques habitants d'El Idilio, auxquels s'était joint une poignée d'aventuriers venus des environs, attendaient sur le quai leur tour de s'asseoir dans le fauteuil mobile du dentiste, le docteur Rubicondo Lochami, qui pratiquait une étrange anesthésie verbale pour atténuer les douleurs de ses clients. « Ça te fait mal ?» questionnait-il. Agrippés au bras du fauteuil, les patients, en guise de réponse, ouvraient des yeux immenses et transpiraient à grosses gouttes. Certains tentaient de retirer de leur bouche les mains insolentes du dentiste afin de pouvoir lui répondre par une grossièreté bien sentie, mais ils se heurtaient à ses muscles puissants et à sa voix autoritaire. « Tiens-toi tranquille, bordel, bats les pattes. Je sais bien que ça te fait mal, mais à qui la faute, hein ? À moi ? Non, au gouvernement. Enfonce-toi bien ça dans la tête, c'est la faute du gouvernement. Si t'as les dents pourries, si t'as mal, c'est la faute du gouvernement. » Le docteur Lochami haïssait le gouvernement, n'importe quel gouvernement, tous les gouvernements. À quelques pas de là, l'équipage du sucre chargé des régimes de bananes vertes et des sacs de café. Sur un bout du quai s'amoncelaient les caisses de bière, d'aguardiente et frontera, de sel et les bonbonnes de gaz débarquées au lever du jour. Le sucre devait appareiller dès que le dentiste aurait terminé de réparer les mâchoires pour remonter les eaux d'une angaritza débouchée dans le Zamora et après 4 jours de lente navigation, rejoindre le port fluvial d'Eldorado. Le bateau, une vieille caisse flottante mue par la volonté de son chef mécanicien, les efforts des 2 costauds qui composaient l'équipage et l'obstination phtisique d'un antique diesel ne devaient pas revenir avant la fin de la saison des pluies dont le ciel en deuil annonçait l'imminence. Du passage du bateau, les gens n'attendaient rien d'autre que le renouvellement de leurs provisions de sel, de gaz, de bière et d'aguardiente. Mais la venue du dentiste était accueillie avec soulagement, surtout par les rescapés de la malaria, fatigués de cracher les débris de leur dentition et désireux d'avoir la bouche nette de chicot afin de pouvoir essayer l'un des dentiers étalé sur un petit tapis violet qui évoquait indiscutablement la pourpre cardinalis. Toujours vitupérant contre le gouvernement, le dentiste débarrassait leurs gencives de leur ultime vestige dentaire, après quoi il leur ordonnait de se rincer la bouche avec de l'aguardiente. « Maintenant, voyons, comment tu le trouves, celui-là »« Moi, il me sert. Je peux pas fermer la bouche. »« Ben allons donc, tu parles d'une bande de délicats. Bon, alors on en essaye un autre. »« Ah ouais, mais il flotte. Si j'éternue, il va tomber. T'as qu'à pas t'enrhumer, couillon. Ouvre la bouche. » Et il lui obéissait. Ils essayaient plusieurs dentiers, finissaient par trouver le bon et discutaient le prix, tandis que le dentiste désinfectait les autres en les plongeant dans une marmite d'eau chlorurée bouillie. Pour les habitants des rives du Zamora, du Yacuambi et du Nogaritza, le fauteuil mobile du docteur Rubicondo Lachamin était une institution. En fait, il s'agissait d'un vieux siège de coiffeur avec le socle et les bras émaillés en blanc. Il fallait toute la force du patron et des matelots du sucre réunis pour le hisser à quai et l'installer sur une estrade d'1 mètre carré que les dentistes appelaient la consultation. Sur la consultation, c'est moi qui commande, nom de Dieu. Ici, on m'obéit. Une fois en bas, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fouille-gueule, triporteur de langue, ou tout ce qui vous passe par la tête, et vous pouvez même m'offrir un verre. Ceux qui attendaient leur tour faisaient des têtes d'enterrement, et ceux qui passaient par les pinces d'extraction n'étaient pas plus bruyants. Les seuls personnages à garder le sourire autour de la consultation, c'étaient les Jivaros qui observaient, accroupis. Les Jivaros, les indigènes rejetés par leur propre peuple, le peuple des Chouars, qui les considérait comme des êtres avilis et dégénérés par les habitudes des Apaches, autrement dit, les Blancs. Les Jivaros, habillés avec les guenilles des Blancs, acceptaient sans protester ce nom dont les avaient affublés les conquérants espagnols. Les Jivaros souriaient en montrant leurs dents pointues, aiguisées avec des galets du fleuve. « Et vous autres, qu'est-ce que vous regardez ? Un jour ou l'autre, vous allez y passer, macaque !» Ravis qu'on leur adresse la parole, les Jivaros répondaient « Jivaro avoir bonnes dents. Jivaro beaucoup manger viande de singe. » Parfois, un patient poussait un hurlement qui affolait les oiseaux et il écartait la pince d'un coup de poing en portant sa main libre au manche de sa machette. « Tiens-toi comme un homme, connard ! Je sais que ça fait mal, je l'ai déjà dit. C'est à qui la faute, hein ? Alors fais pas le méchant, assieds-toi là et montre-nous que tu as des couilles au cul. » « Mais vous m'arrachez l'âme, docteur. Laissez-moi boire un coup. » Le dentiste finit d'opérer son dernier client et poussa un soupir. Il emmaillota dans leur tapis cardinalis les dentiers qui n'avaient pas trouvé preneur et tout en désinfectant ses instruments, il regarda passer la pirogue d'un chouard. Le dentiste aida à remonter le fauteuil mobile à bord, puis gagna le bout du quai. Il y était attendu par Antonio José Bolívar Proaño, un vieux qui lisait des romans d'amour, un vieux au corps toujours nerveux. Toujours pas mort, Antonio José Bolivar ? Le vieux fit mine de se flairer les aisselles avant de répondre. Non, je dirais bien que non. Je pue pas encore. Et vous ? Comment vont tes dents ? Je les ai sur moi, répondit le vieux en mettant une main dans sa poche. Il déploya un mouchoir d'étain et lui montra sa prothèse. Et pourquoi tu t'en sers pas, vieille bourrique ? J'aimais tout de suite. Je ne mangeais pas, je parlais pas, à quoi bon les user, hein ? Le vieux ajusta son dentier, fit claquer la langue, cracha généreusement et lui tendit sa bouteille de Frontera. Merci. Je crois que j'ai bien gagné. Sûr, vous avez arraché 27 dents entières et un tas de chicots. Mais vous n'avez pas battu votre corps. Tu tiens toujours les comptes ? C'est à ça que ça sert l'amitié, à chanter les mérites des amis. Mais quand même, c'était mieux avant. Vous ne trouvez pas ? Quand on voyait encore arriver les colons jeunes, vous vous souvenez de l'homme de Manta, celui qui s'est fait arracher toutes les dents pour gagner un pari ? Le docteur Rubicondo, le Hachamine, inclina la tête pour mettre de l'ordre dans ses souvenirs et retrouva l'image d'un homme très jeune, vêtu à la mode mantuvienne, tout en blanc, pieds nus, mais portant des éperons d'argent. L'homme de Manta était arrivé à la consultation accompagné d'une vingtaine d'individus, tous passablement ivres. C'étaient des chercheurs d'or sans base fixe. On les appelait les pèlerins et ils n'étaient pas regardants sur la manière de trouver leur or, dans les rivières ou dans les poches d'autrui. L'homme s'était laissé tomber dans le fauteuil et l'avait regardé d'un air stupide. « Qu'est-ce que tu veux ? Vous me les arrachez toutes, une par une, et vous les mettez là sur la table. Ouvre la bouche !» L'homme avait obéi et le dentiste avait constaté que plusieurs de ses molaires étaient pourries, mais qu'à côté, il lui restait beaucoup de dents, certaines cariées et d'autres saines. « Il t'en reste encore un bon lot ! T'as de quoi payer toutes ces extractions ?» L'homme avait abandonné son expression stupide. « Ben voilà, docteur. Les amis ici présents ne me croient pas quand je leur dis que je suis courageux, alors je leur ai dit que j'allais me faire arracher toutes les dents, une par une, sans me plaindre. Alors on a parié. Alors tous les deux, vous et moi, on partage moitié-moitié. À la deuxième, tu chieras dans ton froc et tu appelleras ta mère, avait crié quelqu'un dans le groupe, et tous les autres avaient ri bruyamment. Tu ferais mieux de continuer à boire et de réfléchir. Joue pas à ces conneries, avait dit le dentiste. Alors voilà, docteur, si vous ne me laissez pas gagner mon pari... « Je vous coupe la tête, avec cette camarade-là. » Les yeux de l'homme brillaient tandis qu'il caressait la poignée de sa machette. Il avait bien fallu tenir le pari. L'homme avait ouvert la bouche et le dentiste avait refait son décompte. Il avait annoncé un total de 15 dents et le parieur avait disposé une chaîne de 15 pépites d'or sur le tapis cardinalis, des prothèses. Une pour chaque dent. Les joueurs avaient couvert leur tapis avec leur pari pour ou contre avec d'autres pépites. Le nombre de celles-ci augmentait considérablement à partir de la cinquième dent. L'homme s'était laissé arracher les 7 premières dents sans bouger un muscle. On aurait pu entendre voler une mouche. À la 8e, une hémorragie lui avait rempli la bouche de sang. Il ne pouvait plus parler. Mais il avait fait un signe pour demander une pause. Il avait craché plusieurs fois et le sang avait formé des caillots sur l'estrade. Il avait avalé une large rasade qui l'avait fait se tordre de douleur sur le fauteuil. Mais il n'avait pas eu une plainte et après un dernier crachat, il avait fait un nouveau geste pour signifier au dentiste de continuer. À la fin de la boucherie, totalement édenté et le visage enflé jusqu'aux oreilles, l'homme de Manta arborait une expression de triomphe exaspérante en partageant les gains avec le dentiste. « Oui, » dit le docteur Loachamine en lampant un grand coup, « c'était le bon temps. » Maintenant, la lampe d'Aladino. Aladino Garif no estaba muy seguro de su nombre, pero qué diablos, de alguna manera tenía que llamarse aquel palestino desembarcado en Puerto Den, tras haber navegado por el laberinto de canales que confluyen en el estrecho de Magallanes. Apenas pisó tierra, se deshizo del fardo de calzoncillos afranelados, de camisetas inmunes a los gélidos vientos australes, de calcetines tejidos con la más virgen de las lanas en la isla grande de Chiloé, de agujas alemanas, hilos de tomé y botones multicolores, y que a las Kabeshkar les resultaron mucho más seductores que las chucherías, que los croatas, galeses, chilenos y otros sujetos venidos de quién sabe dónde ofrecían a cambio de ser guiados hasta las ensenadas donde parían las lobas marinas de tres pelos, pues las pieles albinas de los cachorros recién nacidos les atraían mucho más que los buenos mariscos y otros tesoros de los canales. Su castellano, cargado de resonancias levantinas, hizo que los posibles compradores le llamaran turco de inmediato. Y el hombre, acostumbrado a la simplicidad de la gente... Il n'était pas très sûr de son nom, mais que diable, il devait bien en avoir un, ce palestinien arrivé à Puerto Eden après avoir navigué à travers le labyrinthe des canaux qui se rejoignent dans le détroit de Magellan. Dès qu'il mit pied à terre, il tira de son ballot des caleçons de flanelle, les tricots imperméables au vent glacé des régions australes, les chaussettes tricotées avec la plus grande et la plus belle vierge d'Hélène de la grande île de Chiloé, les aiguilles allemandes, les fils de Tomé et les boutons multicolores. Les Indiens à Kawescar trouvèrent ces marchandises beaucoup plus séduisantes que les babioles que leur offraient Croates, Anglais, Chiliens et autres individus venus d'on ne sait où pour être guidés jusqu'au creek où les phoques femelles venaient mettre bas, car les peaux si blanches des nouveau-nés les attiraient davantage que les fruits de mer délicieux et autres trésors des cadeaux. À cause de son espagnol chargé de résonance levantine, les possibles acheteurs l'appelèrent aussitôt le Turc. Et l'homme, habitué à la simplicité des gens isolés du Sud, ne tenta pas de leur expliquer que s'il déambulait au milieu des îles en vendant des vêtements chauds, de la mercerie, des couteaux et des marmites, c'était parce que, depuis l'époque de son grand-père, la diaspora portait le sceau des fuites sans fin, dont la seule consolation était de maudire les Ottomans. Il avait oublié et ne se souciait pas plus des raisons de cette haine, devenue une habitude inoffensive, car le baume de l'oubli atténue toutes les passions quand les exils durent trop longtemps. Le Turc vendit ainsi une partie de ses marchandises sans que personne lui demande son nom. Il vantait les qualités de ses caleçons qui supportaient tous les lavages sans jamais rétrécir et ignorait le déclin des parties viriles, ajoutait-il. De ses tricots de douce flanelle dont la chaleur rendait plus doux et plus amoureux les cœurs, il protégeait des intempéries patagoniques. Il indiquait le prix des aiguilles fabriquées dans les lointaines aciéries de Solingen ou d'une douzaine de boutons dus à la lenteur d'une tortue. Et les gens de l'île de Wellington réfléchissaient en silence, pesaient ses paroles et finalement mettaient la main à la poche sans penser au marchandage, cette indispensable cérémonie du commerce où, quand vient le moment de fixer le prix de ce que les mains ne peuvent faire, le vendeur a l'air si vertueux qu'il semble capable de renoncer à ses bénéfices. Et le client apparaît comme un exemple d'astuce. En moins d'une heure, la charge du Turc se trouva allégée par la vingtaine d'hommes, venus sans leurs femmes depuis les confins les plus divers, pour chercher fortune dans cette île multiforme bordée par des canaux, le golfe de Péneas et le détroit de Magellan, percé de fjords, semé de restes de forêts vieilles comme le vent et tapissé d'une mousse tellement épaisse que, d'après le conquistador Sarmiento Gamboa, un homme peut s'y enfoncer jusqu'au cou. Par conséquent, il est moins pénible de passer par la cime des arbres. Les premiers Européens et les criollos avaient pratiquement exterminé les phoques. Les renards étaient malins et défendaient farouchement leur queue. Les richesses marines de ces eaux froides exigeaient un tout autre intérêt que celui de faire fortune. Les hommes qui entouraient le Turc attendaient simplement un coup de chance, auquel ils avaient cessé de croire. Certains remplis de la nostalgie de leur lointaine patrie estompée par le vent patagonique, d'autres résignés à leur folie de naufragés au bout du monde. Quand les Blancs se retirèrent, les Kawescars lui offrirent un pain d'algues et, montrant les marchandises, demandèrent d'un air soucieux « La hache ?» Le Turc était un vétéran des canaux, il avait commencé par les Alakalouf et les Kawescars, connaissait certains mots de leur langue aux résonances rocailleuses et leur répondit « Pas l'axe, pas couverture ». Mais de même qu'il est absurde de dire « oh » devant une cascade, au moment de leur refuser la chaleur en leur affirmant qu'ils n'avaient pas de couverture, les lèvres charnues et les yeux couleur de miel de la Kawescar qui lui souriaient vinrent contredire ses paroles. Le Turc savait que les îles sont des bateaux de pierre. Elles n'ont pas d'habitants, mais des équipages qui arrivent, restent quelque temps et s'en vont. Il savait aussi que les hommes y perdent leur passé, comme l'affirmaient les Basques de l'archipel de Chiloé. Et les Cuetegas, ces rescapés des naufrages de baleinières dont les armateurs avaient trouvé plus rentable d'embaucher de nouveaux marins plutôt que d'aller les rechercher. C'était ainsi que les noms d'origine comme Exteberia et Olivaria s'étaient tout simplement transformés en Baria par souci d'économie de langage ou par surdité volontaire. « Lax !» répéta la Kawescar en lui montrant deux chapelets de moules fumées grosses comme le poing. Le Turc les refusa, répéta qu'il regrettait mais n'avait pas de couverture et l'invita d'un geste à passer en revue les marchandises encore étalées sur la plage de coquillages. Il s'installa à l'unique table de la pulperia et regarda les Kawescars vérifier la solidité des marmites et le tranchant des couteaux. On lui apporta le pot d'eau chaude et le récipient contenant les feuilles de maté, mais le Turc demanda si on pouvait lui faire bouillir l'eau, et quand le pot revint, en crachant des jets de vapeur par le bec, il jeta dans un bol une poignée d'herbes aromatiques, pas mal de sucre, et but avec plaisir, aux côtés des villageois qui s'approchaient pour lui demander d'où il venait, ce qu'il avait vu au cours de ses voyages, si un vapeur battant pavillon anglais traversait le détroit, ou encore si la guerre en Europe était finie. Ses réponses faisaient plaisir à tout le monde, car le Turc savait qu'il n'existe pas de plus grande vérité que celle qu'on veut entendre. Un Gallois le traita de fou pour avoir laissé ses marchandises à la portée des Kawescars, un Galicien paria que les Indiens lui voleraient plus d'un objet, et un Croate affirma que les Indiennes étaient plus voleuses que les hommes. Le Turc récupéra avec une petite cuillère le sucre resté au fond de son bol, alluma sa pipe et demanda s'il pouvait leur raconter une histoire. « Vas-y, dit le Gallois. « Nous sommes tout oreilles, ajouta un Polonais. « Alors, laissez-le parler, intervint le Galicien. « Dans un endroit, ni très proche ni très éloigné de la terre de mes ancêtres, commença le Turc, se trouve le mont Chenon, dressé comme une tour face à la Méditerranée. « Si tu regardes à gauche, tu peux voir scintiller les coupoles d'Oran. « Si tu regardes à droite, tu verras un minaret algérien pratiquement planté dans le ciel. « Dans les temps reculés, quand le mal n'avait pas encore été inventé, les marchands phéniciens accostaient au pied de la montagne, descendaient à terre, étendaient des couvertures et des tapis pour y disposer les biens, prouvant leur qualité de commerçants, puis se retiraient aussitôt sur leurs embarcations. Là, doucement bercés par la mer bienveillante, ils voyaient les habitants du mont Chenon s'approcher, regarder, choisir, mettre à part ce qu'ils désiraient et déposer à côté de ce qu'ils offraient en échange avant de retourner au sommet de leur montagne. Les Phéniciens redescendaient alors à terre et décidaient si cet amphore de miel représentait le juste prix d'un paquet d'hameçons, si la valeur de cette laine récemment cardée équivalait à une jarre d'huile ou de vin parfumé. Si l'échange était équitable, ils prenaient ce qu'on leur avait offert et s'il ne l'était pas, ils reprenaient une partie de leurs marchandises ou, au contraire, rajoutaient quelque chose. L'opération terminée, ils remontaient sur leur bateau, hissaient les voiles et repartaient à la poursuite de l'horizon. Voilà comment les Phéniciens et les Chenones ont pratiqué le commerce pendant des siècles dans un endroit ni très proche ni très éloigné de la terre de mes ancêtres, comme je vous l'ai déjà dit. « Mais ça se passe plus comme ça, dit le Galicien. » Et le Gallois voulut savoir pourquoi. « Parce que quelqu'un a laissé entendre aux Phéniciens que les Chenones les volaient, répondit le Turc. Il laissa quelques pièces de monnaie sur le comptoir pour l'eau bouillie et le sucre et retourna sur la plage conclure ses affaires avec les Kawescars. Cette nuit-là, le Turc planta sa tente à l'orée d'un bois de coïgu et d'araucaria. L'air sentait le bois et la mer. Et tout en fumant sa pipe, il fit l'inventaire de ses biens, se dit que la journée n'avait pas été mauvaise, et se glissa sous sa grosse couverture espagnole disposée à dormir en paix. Il s'apprêtait à souffler sa lampe de cuivre quand la femme Kawescar fit éruption dans la tente. « Lax !» dit-elle en guise de salut en montrant l'épaisse et sombre couverture qui le recouvrait. « Non, Lax, pas à vendre !» répondit le Turc. La Kawescar le regarda dans les yeux, sourit, en voyant s'y refléter deux fois la petite flamme de la lampe, et d'un geste énergique se débarrassa de la tunique de peau qui couvrait son corps svelte de navigatrice et de chasseuse. C'était une femme Kawescar, la cause du feu qui consume les hommes. Le Turc contempla le corps élancé, les muscles fermes, les hanches portées par la plus solide des matures, le ventre plat et les seins destinés à allaiter les meilleurs fils de la mer. Pendant des heures de halètement, d'assaut et de déroute, il l'aima. Sur son corps, il se sentait à bord du plus fiable des navires, et elle, à cheval sur son ventre, était la plus gracieuse des Amazones. À l'aube, le Turc lui dit, la main sur la poitrine, qu'il s'appelait Aladino. « Dis mon nom, dis mon nom, dis Aladino », lui demanda-t-il, mais la Kawescar lui répondait par des mots dont les sons étaient aussi durs que les récifs de l'île de Wellington. « Lax !» demanda la femme en serrant la couverture dans ses bras. Il caressa la noire chevelure qui descendait jusqu'aux fesses de la femme et se confondait avec la couleur de la couverture. « Oui, elle est à toi. » La femme l'interrogea en pointant un doigt sur ses seins. « Oui, Lax, Lax d'Aladino, maintenant Lax à toi. Quel que soit ton nom. » La Kawescar à genoux palpait la couverture, la caressait de la joue et souriait de bonheur. La faible flamme de la lampe baignait son corps de miel. Le Turc La vit se lever, enfiler la tunique de peau de guanaco, rouler la couverture et finalement poser les yeux sur la lampe. Elle est à toi, elle aussi, c'est normal. Ça s'appelle une lampe et ça marche comme ça. Là, tu mets de la graisse ou de l'huile, tu passes la mèche dans le bec et tu l'allumes. Tiens, elle est à toi. La lampe d'Aladino, murmura la femme en la prenant comme le plus délicat des objets. Oui, c'est la lampe d'Aladino, lui assura le Turc, et il sortit de la tente pour remplir ses poumons du parfum des bois et des mers australes. Voici maintenant deux nouvelles de Luis Sepúlveda, extraites de son dernier livre intitulé « L'ombre de ce que nous avons été », toujours enregistré en public au Théâtre de l'Odéon par Bernard Giraudeau et Luis Sepúlveda. Cacho Salinas odiaba los pollos, las gallinas, los patos, los pavos, todo bicho que tuviera plumas, pero aún así se detuvo frente al asador en el que giraban lentamente unos 40 broilers ordenados como los soldados cibernéticos de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo están los pollos? Consultó al vendedor, que meditaba perdido en las páginas deportivas de un periódico. En pelotas, muertos, ¿cómo quieres que estén? Respondió el aludido. Odiaba los pollos y no por su sabor, los odiaba por estúpidos y los culpaba de transmitir una enfermedad cuyo primer síntoma era la falta de imaginación. Lolo Garmendia le había pedido que se encargara de la intendencia alimentaria del grupo y cuando le consultó por email qué debía comprar, fue bastante categórico. Compra pollos. ¿Son pollos frescos? ¿Son sabrosos? Eso es lo que quiero saber. El vendedor cerró el periódico, echó una mirada a la calle y luego al techo del negocio. Mire, compadre, no sé ni me importa el origen de estos pollos. Son todos iguales, pesan lo mismo, vienen congelados, pétreos, impasibles. Yo los descongelo. Les meto la brocheta por el culo, la saco por el cogote, los embadurno con una salsa que viene en un bote de plástico y tras 40 minutos en el asador se convierten en un asunto comestible. ¿Estamos? No me complique la vida. En ese momento empezó a llover, suavemente primero, y luego el chaparrón se descargó con furia sobre el techo de calaminas. Cacho Salinas se dijo que por fin había encontrado a un chileno con opinión propia y además sincero. Otro en su lugar se habría deshecho en alabanzas y sonrisas. Una mujer entró sacudiendo el paraguas, pidió un pollo bonito y al pagar se quejó del pollo que había comprado días atrás. Era puro hueso, aseguró la mujer. Era un pollo dietético, señora. ¿No ha escuchado de la campaña contra la obesidad? ¿Quiere que su hijo sea un maldito montón de sebo como los jóvenes del Bronx, fofo, ahuevonado, negro y cantor de rap? Argumentó el vendedor al tiempo que le entregaba la compra. Llovía. Los vehículos pasaban raudos como escapando de algo indefinible y Cacho Salinas añoró ciudades esplendorosas bajo la lluvia. Una era Bilbao, llena de lugares acogedores donde refugiarse. Otra Gijón, que invitaba a caminar bajo el aguacero a lo largo del muro de San Lorenzo. Otra Hamburgo, con sus calles adoquinadas multiplicando las luces. Santiago no podía ser más triste bajo la lluvia. Recordó que alguna vez, durante el exilio en París, había leído una novela de Ramón Díaz Ederovich titulada La ciudad está triste, y acodado en la Petite Prigordine, el bar de Saint-Michel al que sin motivo aparente iban a dar siempre los latinoamericanos, había llorado con la magistral descripción de la tristeza de Santiago que hacía el autor. Voy a llevar 6 pollos dietéticos. ¿Me puedo quedar aquí hasta que pase el diluvio? El vendedor le indicó una de las 3 mesas cubiertas con manteles de plástico. Abandonó el mostrador portando una botella de vino y 2 vasos. Sirvió. Los 2 hombres se miraron fugazmente a los ojos y descubrieron las mismas sombras, las mismas ojeras, el mismo glaucoma histórico que les permitía ver realidades paralelas o leer la existencia contada en dos líneas narrativas condenadas a no coincidir, la de la realidad y la de los deseos. Los náufragos del mismo barco tienen un sexto sentido que les permite reconocerse como los enanos. Perdona si fui rudo, pero me hinchan las bolas todo el día, ya sea quejándose de los pollos o pidiéndome los currículos. Conversemos un vinito, que cuando llueve aquí no entran ni las moscas. Salud. Fuiste sincero y eso se agradece. Salud. Mientras hablaban dando sorbos a los vasos, descubrieron que los unía la misma bronca hacia los pollos y un presente similar de pájaros desplumados. El vendedor había sido y era comunista, porque eso es como una verruga moral que no se quita jamás, precisó. También él era un retornado al país tras 10 años de exilio en Suecia. Suspiraba al referirse a Gotemburgo, a sus islas, al mar color acero, a esas mujeres que, precisaba, eligen libremente y con alegría al macho que disfrutará del catre Ikea y con ellas no hay... Cacho Salinas détestait les poulets, les poules, les canards, les dindons, toutes les bêtes à plumes, et pourtant il s'arrêta devant la rôtissoire où tournait lentement une quarantaine de brôleurs alignés comme les soldats cybernétiques de la guerre des étoiles. « Sont comment les poulets ?» demanda-t-il au vendeur qui méditait, perdu dans les pages sportives d'un journal. « À poil, mort. Comment voulez-vous qu'ils soient ?» répondit l'intéressé. C'était pas le goût des poulets qu'il détestait, mais leur stupidité, et il les accusait de transmettre une maladie dont le premier symptôme était le manque d'imagination. Lolo Garmendia l'avait chargé de l'approvisionnement du groupe, et quand il lui avait demandé par email ce qu'il devait acheter, la réponse avait été catégorique « Achète des poulets ». Ils sont frais, savoureux, voilà ce que je veux savoir. Le vendeur ferma son journal, jeta un regard sur la rue, leva les yeux au plafond. « Écoutez, mon vieux, je ne connais pas l'origine de ces poulets, ça m'intéresse pas, ils sont tous pareils, pèsent le même poids, arrivent congelés, durs comme de la pierre, impassibles, je les décongèle, je leur enfile une broche dans le cul, je la fais ressortir par le jabot, je les badigeonne avec une sauce livrée dans un pot en plastique et au bout de 40 minutes dans la rôtissoire, ils deviennent un truc comestible. Pigé ? Ne me compliquez pas la vie. » Au même moment, il se mit à pleuvoir, d'abord doucement, puis l'averse s'abattit avec furie sur l'étau ondulé du toit. « J'ai enfin trouvé un Chilien qui a une opinion personnelle et sincère par-dessus le marché. À sa place, un autre se serait répandu en louanges et en sourires, se dit Cacho Salinas. » Une femme entra, en secouant son parapluie, demanda un beau poulet et au moment de payer, se plaignit de celui qu'elle avait acheté quelques jours plus tôt. « Il n'y avait que des os », assura la femme. « C'était un poulet diététique, madame. Vous n'avez pas entendu parler de la campagne contre l'obésité ? Vous voulez que votre fils devienne un foutu tas de graisse ? Mou, abruti, noir et chanteur de rap comme les jeunes du Bronx ?» se défendit le vendeur en lui remettant son achat. Il pleuvait, les véhicules passaient à toute vitesse comme pour échapper à quelque chose d'indéfinissable et Cacho Salinas pensa avec nostalgie à des villes resplendissantes sous la pluie. L'une d'entre elles était Bilbao, pleine d'endroits accueillants où se réfugier. Une autre, Giron, qui vous invitait à marcher sous l'averse le long du mur de San Lorenzo. Une autre encore, Hambourg et ses rues pavées multipliant les lumières. Sous la pluie, Santiago ne pouvait pas être plus triste. Il se rappela qu'il avait lu pendant son exil à Paris un roman de Ramón Díaz Esterovi intitulé « La ville est triste » et, accoudé à la Périgourdine, le bar de Saint-Michel, où, sans raison apparente, se retrouvaient toujours les latino-américains, il avait pleuré devant la description magistrale de la tristesse sandiaguina qu'en faisait l'auteur. « Je vais prendre 6 poulets diététiques. » « Je peux rester ici en attendant la fin d'un déluge ?» Le vendeur lui indiqua une des 3 tables recouvertes de toiles cirées et abandonna son comptoir pour apporter une bouteille de vin et 2 verres. Il les remplit. Les 2 hommes se regardèrent brièvement dans les yeux et y découvrirent les mêmes ombres, les mêmes cernes, le même glaucome historique qui lui permettait de voir des réalités parallèles ou de lire l'existence, résumée en 2 lignes narratives, condamnées à ne pas coïncider, celle de la réalité et celle des désirs. Les naufragés d'un même bateau ont un 6e sens qui leur permet de se reconnaître, comme les nains. Excusez-moi si j'étais un peu brusque, mais j'en ai plein les couilles de les entendre à se plaindre des poulets ou de demander leur curriculum. Bavardons un peu en prenant un verre. Quand il pleut, il n'y a pas un chat dans la boutique. Santé. Tu as été sincère et je t'en remercie. Santé. tout en bavardant entre deux gorgées de vin, ils découvrirent qu'une même animosité envers les poulets et un même présent d'oiseaux déplumés les unissait. Le vendeur avait été et était toujours communiste. C'est comme une verrue morale dont on ne se débarrasse jamais, précisa-t-il. Il était lui-même, lui aussi, rentré au pays après 10 ans d'exil en Suède. Il soupirait en évoquant Göteborg, ses îles, la mer couleur d'acier, ses femmes, qui choisissent librement et joyeusement le mâle qui jouira de leur pieux Ikea. Avec elles, il faut jouer franc jeu, précisa-t-il. Il avait 2 fils délestés du poids de la nostalgie. Ces jeunes gens s'étaient découverts des racines scandinaves, certes aériennes, mais qui s'étaient pourtant peu à peu enfoncées dans le sol rocheux. Ils avaient choisi les nuits de jazz au bar Nefertiti au lieu d'assister aux soirées folkloriques latino-américaines et vibraient en écoutant la musique du groupe Psycore, car les solos de guitare de Cali et Sepúlveda les secouaient davantage que les notes poignantes de Rodriguez le Gitan. À Göteborg, il avait fréquenté des immigrés espagnols venus construire le bien-être du pays dans les années 60. Ces maçons andalous, ces mécaniciens asturiens, ces journaliers d'Estramadour étaient des braves types. Ils t'invitaient chez eux, où il y avait toujours une omelette et un jambon digne de ce nom. Tous travaillaient et mettaient de l'argent de côté, dans un seul but, retourner en Espagne et ouvrir un bar. Cette idée les obsédait, et quand j'étais avec eux, j'en étais arrivé à penser que le Cid était allé à Valence dans l'intention d'ouvrir un bar. Que si l'histoire de la société était celle de la lutte des classes dans le reste du monde, en Espagne, c'était celle des patrons de bars et des clients, une chose négligée par Marx et Engels, ce qui en avait fait 2 philosophes suspectés d'anti-alcoolisme. Ils m'ont contaminé et à la fin de la dictature, on est rentrés, ma femme et moi, avec la même idée. On a d'abord ouvert un petit restaurant, la Maison de Scandinavie, mais ça n'a pas duré longtemps. Il est impossible de convaincre les Chiliens que le hareng n'est pas un poisson pour les chats, ni que la mer ne se mange pas seulement crue. On était sur le point de refaire nos valises et de retourner en Suède quand un jour, inspiré par les pharmacies d'urgence, des types ont ouvert les premiers débits de boissons où on vend de l'alcool 24 heures sur 24. J'ai donc décidé de faire comme eux avec poulet non-stop. Et je me retrouve ici à les regarder rôtir pendant que la terre tourne sur son axe. Je déteste les poulets. Santé, camarade, et raconte-moi ta rogne. Un autre jour, je dois mettre de l'ordre dans mon récit, mais ma haine des emplumés est plus forte que la tienne, je t'assure, dit Cacho Salinas. Chargé de ses 2 sacs en plastique, il sortit dans la rue, il pleuvait moins, se mit en marche au milieu des gens pressés qui maudissaient le climat de ce pays modestement qualifié d'heureuse image de l'Éden dans l'hymne national. Primero se escuchó un ruido de vidrios rotos. Luego el objeto salió despedido desde la ventana. Con cansada torpeza intentó ascender un par de milímetros, pero de inmediato lo venció la gravedad y cayó a plomo. La caída no duró más de 1 segundo, y si alguien en ese momento y en ese lugar hubiera estado observando el cielo oscuro de Santiago, habría visto que el objeto de marras podía perfectamente ser confundido con una pequeña maleta dotada de un cable que salía de un costado como el rabo de un animal incapacitado para volar por su misma forma nada aerodinámica y la evidente ausencia de alas. Cuando el objeto finalmente se estrelló contra el suelo, se abrió en un postrer esfuerzo identitario. Era uno de los mayores portentos tecnológicos de los años 60, un tocadiscos dual, apto para discos long play de 33 RPM, para singles de 45 y también para los nostálgicos discos de carbón de 78 RPM. Con el golpe se desprendió la tapa que contenía las 2 bocinas del primer aparato estereofónico de la historia de la humanidad. También la cajita de las agujas saltó del interior y quedaron diseminadas como extrañas semillas de metal germinadas por la humedad invisible de la nostalgia. Si en su caída el tocadiscos no hubiera encontrado otra resistencia que el aire húmedo de una noche invernal, el golpe habría sido mucho más feroz. La estructura geométrica, no apta ni diseñada para soportar tales choques por los ingenieros alemanes, luego de un estremecimiento atómico, de la traición del pegamento, del divorcio del machimbrado y la fuga de los clavos sin cabeza que la sujetaban, no habría sido más que un montón de astillas diseminadas sobre la acera mojada. Pero el tocadisco fue frenado por la cabeza de un sujeto que, teniendo toda la ciudad para moverse, eligió esa calle, esa noche de lluvia y ese instante de fatalidad vertical. Recibió el golpe, se detuvo, trastabilló, sintió que la lluvia y la noche de Santiago se extinguían, apoyó la espalda contra un muro, su cuerpo empezó a bajar vencido por una llamada urgente del suelo, se llevó las dos manos a la cabeza buscando una respuesta que no llegaría jamás y finalmente cayó de lado. La cabeza mostraba una abertura de la que escapaban borbotones de sangre y la intimidad grisácea oculta durante 65 años bajo el casco de calcio. Sobre él cayeron a continuación un ejemplar de Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, otro de Reportaje al pie del patíbulo, de Julius Fusik, El arte de amar, de Erich Fromm, y un manual de materialismo histórico de Martha Harnecker. Una sucesión generosa de objetos podía haber cubierto aquel cuerpo vencido, de no ser por el hombre que, forcejeando con una mujer decidida a lanzar por la ventana reventada un atado de discos de Quilapayún, vio al caído y se llevó las manos a la boca. La mujer hizo lo mismo y enseguida, sin abandonar el gesto de estupor, se miraron. «¡Qué cagada, concha!», musitó el hombre. Concepción García se dejó caer hecha un ovillo y sin que le importaran las gotas de lluvia salpicando su espalda. Tampoco le importó escuchar que en la calle no se veía un alma, ni la mano del cónyuge remeciéndola mientras le sugería bajar a comprobar si el tipo de la calle estaba muy mal herido. Coco Aravena salió al pasillo y luego comenzó a bajar las cuatro plantas. «¡Qué cagada!», musitaba bajando los peldaños. Minutos antes todo estaba en paz. Había llegado feliz del videoclub con una copia de Reservoir Dogs y una batería de cerveza dispuesto a pasar una noche de lluvia de la mejor manera posible mirando un clásico, el mejor Tarantino de todos los tiempos, superior a Pulp Fiction, como le había indicado a su mujer apenas abrió la puerta. Pero Concha casi no le había prestado atención, esgrimiendo un atado de papeles y anunciando histérica que los echaban del piso por morosidad reincidente. «Calma, Concha, hay que conservar la calma», alegó metiendo las cervezas en la nevera, pero la mujer insistió agregando que ya no soportaba la indolencia, vagancia, falta de vergüenza de alguien que ni siquiera se inmutaba frente a la evidencia de ser lanzados a la puta calle. «Vamos, Concha, conservemos la calma, que mañana se arregla todo. Hay que ser optimistas, pensar en positivo. Smile, Conchita. Ven, siéntate a mi lado y disfrutemos de esta joya que traje. Un clásico, nena, un clásico». Antes de que un volcán entre en erupción, se sucede una serie de pequeños temblores que aumentan de intensidad en breve tiempo y en el aire se huele el esfuerzo muscular de la tierra. Algo similar ocurrió con Concepción García. Sus músculos faciales se contrajeron, los dientes apretados chirriaron, las manos empuñadas se pegaron a su cuerpo y la erupción, primero verbal, apuntó a que estaba hasta los ovarios de sus malditos clásicos, que estaba harta de vivir con un fracasado que no movía un dedo para salir de la miseria, con un vago que no hacía más que pegar el culo en el sillón y desde ahí lloriquear como una magdalena con películas que no le interesaban a ningún ser humano con dos dedos de frente. ¿O acaso no había lloriqueado la noche anterior mientras ella surcía calcetines? «Nadie permanece impasible viendo el hombre que mató a Liberty Valance», se defendió el cónyuge. Y ahí estalló el volcán. En ese momento ardió por fin Troya. La mujer fue hasta el estante, agarró el tocadiscos, todo un clásico de la tecnología, y a la voz de «¡Ahí va tu clásico de la música!», lo arrojó contra la ventana. Y a continuación siguió con los libros gritando «¡Ahí van tus clásicos de la literatura social!». También los arrojó a la calle y él solo alcanzó a detenerla cuando se aferraba a los clásicos de la canción protesta. Coco Aravena salió a la calle cuando la lluvia arreciaba nuevamente, miró a ambos lados, se alegró de no ver a nadie y finalmente se acercó al caído. «Amigo, musitó tocándole un brazo, pero el hombre enteramente vestido de negro no respondió. Recordó que en algunas películas comprueban si alguien está vivo tocándole el cuello, pero no se atrevió a hacerlo. Además, en ninguna película muestran un primer plano del lugar preciso que se debe tocar. Así que prefirió darle un par de patadas y tuvo la certeza de que el hombre vestido de negro ya no era de este mundo. Una vez más miró hacia los dos lados de la calle y, envalentonado por la soledad, revisó los bolsillos del muerto. Encontró un puñado de monedas y una hojita de papel. Al intentar revisar los bolsillos interiores de la americana, descubrió el revólver metido en una sobaquera de cuero. «¡Ay, concha, qué cagada! ¡Te cargaste a un policía!», suspiró y emprendió el regreso. On entendit d'abord un bruit de verre brisé, puis l'objet traversa la fenêtre avec une lenteur maladroite. Il tenta de se lever d'un ou deux millimètres, mais vaincu par la force de gravité, il tomba tout droit. La chute ne dura pas plus de quelques secondes, et si, en ce même instant et en ce même lieu, quelqu'un avait observé le ciel sombre de Santiago, il aurait vu que l'objet en question pouvait parfaitement être pris pour une petite valise dotée d'un fil électrique sur le côté comme la queue d'un animal, que sa forme nullement aérodynamique et une évidence absente d'elle rendait incapable de voler. Quand l'objet se brisa finalement sur le sol, il s'ouvrit avec un ultime effort identitaire. C'était un des plus grands prodiges technologiques des années 60, un tourne-disque dual fait pour les longs plays, 33 tours, un tiers par minute, pour les singles, 45 tours, et aussi, pour les nostalgiques, 78 tours en vinyle. Sous le choc, le couvercle contenant les deux haut-parleurs du premier appareil stéréophonique de l'humanité se détacha. La petite boîte d'aiguilles jaillit également et elles restèrent éparpillées, telles d'étranges semences de métal qu'aurait fait germer l'humidité invisible de la nostalgie. Si le tourne-disque n'avait pas trouvé dans sa chute d'autre résistance que celle de l'air humide d'une nuit hivernale, le coup aurait été beaucoup plus terrible. La structure géométrique conçue et dessinée par les ingénieurs allemands n'était pas faite pour supporter de tels chocs, et après une secousse atomique, la trahison de la colle, le divorce des branchements et la fuite des clous sans tête, il n'aurait plus été qu'un tas de débris disséminés sur le trottoir mouillé. Mais il fut freiné par la tête d'un type qui, disposant de toute la ville pour se déplacer, avait choisi cette rue, cette nuit de pluie, en cet instant de fatalité verticale. Il reçut le coup, s'arrêta, vacilla, sentit disparaître la pluie et la nuit de Santiago, s'adossa à un mur, puis, son corps vaincu, attiré par un appel urgent du sol, commença à s'affaisser. Il porta les mains à sa tête pour y chercher une réponse qui n'arriverait jamais et finalement tomba sur le côté. Son crâne montrait une ouverture qui laissait échapper des flots de sang et aussi l'intimité grisâtre cachée pendant 65 ans sous la calotte de calcium. Sur lui atterrirent ensuite les veines ouvertes de l'Amérique latine d'Eduardo Galeano, un exemplaire du reportage Au pied de l'échafaud de Julius Fussig, L'art d'aimer d'Heinrich Fromm et les concepts élémentaires du matérialisme historique de Martin Heidegger. Une généreuse succession d'objets aurait pu recouvrir ce corps vaincu si un homme qui luttait contre une femme décidée à jeter par la fenêtre fracassée un paquet de disques de Guy Lapayoun n'avait vu cette forme inerte. Il mit les mains devant sa bouche et la femme fit de même. Et ils se regardèrent aussitôt avec la même expression de stupeur. « Quelle connerie, Concha !» murmura l'homme. Concepción Garcia se laissa tomber sur le sol, où elle se roula en boule insensible aux gouttes de pluie qui aspergeaient son dos. Avec la même indifférence, elle entendit qu'il n'y avait pas une âme dans la rue. Sentit la main de son mari, la secouer, lui suggéra d'aller voir en bas si le type était grièvement blessé. Coco à Ravenna sortit dans le couloir et commença à descendre les quatre étages. « Oh, quelle connerie !» murmurait-il en dévalant les marches. Quelques minutes plus tôt, tout était paisible. Il était revenu heureux du vidéoclub avec une cassette de réservoir Dog et un pack de bière, bien décidé à passer cette nuit pluvieuse le mieux possible en regardant un classique, le meilleur Tarantino de tous les temps, supérieur à Pulp Fiction. Il l'avait dit à sa femme dès son arrivée, mais Concha l'avait à peine écouté, hystérique et brandissant un tas de papiers. Elle lui avait annoncé qu'on les virait de l'appartement pour cause de retard récurrent. « Du calme, Concha. Faut garder son calme. avait-il balbutié en mettant les bières au frigo. Mais la femme avait insisté, ajoutant qu'elle ne supportait plus l'indolence, la fainéantise, la désinvolture d'un type qui ne réagissait même pas devant l'évidence d'être jeté à la rue. « Allons, bon chat, gardons notre calme, demain tout sera réglé, faut être optimiste, positivé, smile, Conchita. Viens, assieds-toi près de moi et savourons le bijou que j'ai apporté, un classique. Ma petite, un classique. » Avant l'entrée en éruption d'un volcan, une série de petits tremblements se succèdent, puis leur intensité augmente rapidement, et on sent dans l'air l'effort musculaire de la Terre. Pour Concepción Garcia, il se passa quelque chose de semblable. Ses muscles faciaux se crispèrent, ses dents grincèrent, ses poings serrés se collèrent à son corps, et l'éruption, d'abord verbale, commença. Elle en avait le ras-le-bol de ses maudits classiques, elle en avait marre de vivre avec un raté qui ne bougeait pas le petit doigt pour sortir de la misère, avec un feignant qui restait le cul dans son fauteuil à pleurnicher comme une madeleine devant des films qui n'intéressaient aucun être humain doté d'un peu de jugeote. Est-ce qu'il n'avait pas pleuré hier soir pendant qu'elle reprisait les chaussettes, peut-être ? Personne ne peut rester insensible en regardant l'homme qui tua Liberty Valence, se défendit le mari. Alors le volcan entra véritablement en éruption. En cet instant, trois flamba enfin. La femme prit sur l'étagère le tourne-disque, un classique de la technologie, et tout en criant « Voilà pour ton classique de la musique !» le jeta sur la fenêtre, en fit de même avec les livres « Voilà pour les classiques de la littérature sociale !» Il ne réussit à l'arrêter qu'au moment où elle se saisissait des classiques de la chanson engagée. Quand Coco Aravena sorti dans la rue, la pluie redoublait de violence. Après avoir regardé de tous côtés, il se réjouit de ne voir personne et s'approcha du corps allongé. « Eh vieux !» murmura-t-il en lui touchant le bras. Mais l'homme, entièrement vêtu de noir, ne répondit pas. Dans certains films, on vérifie que quelqu'un est vivant en lui tentant le cou. Se rappela-t-il, mais il n'osa pas le fait. De plus, dans aucune scène, on ne montre en gros plan l'endroit précis où il faut toucher. Préféra donc lui donner deux coups de pied, et acquis avait ainsi la certitude que l'homme, vêtu de noir, n'était plus de ce monde. Il regarda de nouveau la rue d'un bout à l'autre, et enhardi par la solitude, fouilla les poches du mort où il trouva une poignée de monnaie et une feuille de papier. En glissant la main à l'intérieur de la veste, il découvrit un revolver dans un holster sous l'aisselle. « Ay, Concha, quelle connerie! T'as descendu un flic !» soupira-t-il. Et il reprit le chemin du retour. C'était Luis Sepúlveda, une lecture enregistrée en public au Théâtre de l'Odéon, le 17 octobre 2009, avec Luis Sepúlveda et Bernard Giraudeau. Prise de son, Bernard Legac et Philippe Mercher. Montage et mixage, Mathieu Leroux. Assistante de réalisation, Julie Béressy. Réalisation, Myron Merson. Nouvelle de Luis Sepúlveda, extraite de Le vieux qui lisait des romans d'amour, traduit de l'espagnol par François Maspero, La lampe d'Aladino, L'ombre de ce que nous avons été, traduit de l'espagnol par Bertie Osberg. Ces trois livres ont paru aux éditions Métellier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 janvier 2010.